ne peux plus continuer à fuir. Il va falloir commencer à suivre. Lance-toi dans ta bataille. Passe pas dessus les murailles. Lance-toi dans ta bataille. Passe pas dessus les murailles. Laissez-moi.